Je suis malheureux sans toi. Y'a rien à faire. Tu me manques et puis voilà. Y'a rien à faire. Les autres ne te remplacent pas. Rien à faire. J'ai beau essayer. Et que toi, tu gères. Ça, rien à faire, pourquoi on ne se voit pas. Rien à faire, comment faire pour réparer. Y'a rien à faire. Je suis en train de crever, de périmer sans toi. Non, y'a rien à faire. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Sauve-toi, sauve-moi, sauve-moi.